débarque, SK0 de Soundcloud, guidé par un heureux hasard avec quelques bonnes idées sous le coude, rythmé, planète rap qui actuellement full doute, sapé comme jamais, ouais mais musicalement, blackout. Autant de rage, c'est pas humain, je te l'accorde, mais c'est pas moi qui finirai au bout d'une corde, putain. La vie est courte, crois-moi, à moitié car j'en dis long. J'avance au-dessus du vide, confiance aveugle ce fil de nylon. Des millions, ce que je vise, reste mignon sur l'état d'âme. Attise la flamme, je t'iserouille un peu sur le macadam. Rama composé, je pose pendant ce temps, MC Salam. Balance tes salades, malade, désarmé comme Saddam. Disons que t'y es pour rien, mais l'inspiration est d'or. 02100, sous O2, j'ai transpercé l'écorce. Dehors, c'est la merde, bande de sales gosses. Évite les grosses, les coups de crosse. Crame ta thune et nique la mère du boss, idée fausse. Osef, crois-tu avoir cette vie? Les mêmes textes, prétextes à la mode comme les selfies. Normal de reproduire les mêmes erreurs. Instrumental chaotique, que choix de bonne ou de mauvaise humeur. Sommaire excitant comme parler d'anatomie. Je déposerai le bilan, mais pour le moment que des bombes atomiques. Panique pas, autodidacte évidemment sans être tendre. Hématome SKSX, lyrics brûlant sur un tas de cendres. Voilà, je suis rentré dans le peur à sans ferra. Attention, je m'en bats les couilles, je suis sorti des bacs avec mention, je vais là. Là où les plombs ne sautent jamais, même sous haute tension. Du son à m'en péter les veines, tellement y'a trop de pression. J'ai 100 ans qui m'appellent, mais je sais pas ce qu'ils veulent comme une pute sans cervelle. Je suis là pour leur en mettre plein la gueule, je reviens. Sans état d'âme, faut pas se fier aux apparences. Ma démence est un drame qui me permet juste de me justifier. J'ai la technique et les mots d'Assis Baroui Brahe. Et c'est toujours sur la connerie humaine que je crache. J'ai toujours l'illusion de mettre des putains de claques si je tease. Ça fait partie de mes best practices. Je pense qu'à m'égarer depuis que j'ai retrouvé le chemin. Je me force à oublier mes rêves comme chaque matin. L'idée c'est d'être un robot. La vie c'est loin d'être moche, mais c'est surtout loin d'être trop beau. Je me perds même dans mes propos. Alors, c'est ça que tu veux, du son, du flow, du kick, 9 rimes en or par face de l'ego trip. Et que ça claque, il faut de la frime. J'annonce, je m'amène tranquille, mais fous de rage. Comme un bête de rage, je suis pas sage, mais je ravage tout. Hey, c'est ça que tu veux, du rap, d'illettré, du texte fil, gratte indélébile. Tu t'agas la craie, tu veux qu'on se la donne et que ça représente. Hématome 0200, c'est fait chial et ça fait plus de 10 ans. Éteins ta radio, c'est de la merde, du con. On fout un bordel, monstre, tu nous vois pas, c'est le mur du son. Je me la pète assez, je baisse le peurat, c'est clip, c'est pète assez, grosse caisse, mec, je suis là pour terrasser. Oh, j'ai une vie d'ensemble, c'est vrai qu'il y a du pont. Merde, des cris sortent en bas, je dois avoir des MC sous mes pompes. Non, c'est pas du hip hop de test, remballe. De toute façon, je fais du lourd depuis que j'ai dépassé le quintal.